C'est ce matin que je pars en guerre pour aller guerroyer. C'est ce matin que mamie me perd, je pars combattre l'anglais. C'est pour le roi de France, c'est lui qui me l'a demandé. Mais vous mon roi j'y pense, où donc est votre épée? Fleur de lys, fleur des champs, à vous mon roi quand revient le printemps. Fleur de lys, fleur des champs, à vous mon roi écoutez nos tourments. À vous mamie qui m'aide si cher, occupez-vous bien des enfants. À vous mamie qui m'aide si cher, prenez aussi ma place au champ. Votre père revient dans quelques mois, tout au plus dans quelques ans. Je vous en prie, oh mon roi, ne faites pas mentir aux enfants. Fleur de lys, fleur des champs, oh douce France, n'avez-vous plus de battants? Fleur de lys, fleur des champs, pour envoyer aux pauvres paysans. Comme remerciement.